Hey, bien le bonsoir, bien bonsoir. Le bonjour. Très chers auditeurs, ça va bien, toi? Super. À ce, là, à quoi, c'est quel épisode qu'on fait là, là? Ce qu'on fait là, là? 30? Non, ouais, 30, 38. Non, sérieusement, 9e épisode de Geekorama. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait. Mm. Et là, écoutez, ce soir, c'est un épisode qui est très spécial parce que là, vous l'avez probablement vu dès les premières secondes, le son est différent parce que oui, c'est le premier épisode, dans le fond, qu'on a un invité. Puis que c'est même pas nous autres qui enregistrent le show. On est un peu en vacances, tu sais, en même temps. Tu sais, c'est le fun. Donc, ce soir, les amis, vous le connaissez sûrement sur le nom de Sis, qui tout nouvellement a fait sorti son propre site horreur-gamer.com. Tu sais. Oui. Puis écoutez, je vais laisser se présenter lui-même. On a comme invité Monsieur Sis avec nous. Salut Sis. Salut Mister, comment ça va? Ben, ça va très bien. Ça va super bien. Hey, je tiens à vous dire un gros merci de m'avoir invité. Premièrement, je me sens comme un. C'est le fun de se faire inviter à un autre show, on se sent presque important, puis vous avez le don de faire sentir vos invités comme spécial en leur donnant toute la job, c'est-à-dire d'enregistrer et de monter votre propre show. C'est super. Ah ben écoute, c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. Non, c'est vraiment le fun, puis tu sais, en plus ça faisait un bout qu'on en parlait, qu'on voulait faire un épisode avec toi, parce que écoute, aujourd'hui on a un thème qui est très spécial, puis qui est très propre... qui est vraiment ton domaine à toi, ouais. C'est les arcades aujourd'hui. Oui, oui, monsieur, c'est rare qu'on associe propre avec ma personne, mais c'est bon, merci, c'est gentil. Ouais, mais ça se fait plaisir. Tant que tu prends une douche aux deux jours, t'es correct. Ouais. C'est ce que je me suis fait dire. C'est ça, c'est pas compliqué, dans le fond. Les arcades, quand je dis les arcades, ça va être vraiment bon. On va avoir une discussion là-dessus tout à l'heure et dans le fond, la musique que vous allez entendre dans cet épisode-là, c'est de la musique d'arcade qu'on a choisie. C'est sûr que moi, je suis pas un expert vraiment. T'sais, oui, j'ai joué à des jeux d'arcade quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas fait la collection au complet. Je les ai pas toutes faites. Non, parce que... Pareil pour moi. Hein. C'est une méchante gang. Des vagues souvenirs à propos de l'arcade. C'est des bons souvenirs, mais des vagues souvenirs. Ouais. Je voudrais bien me faire passer pour l'expert du lot, mais ça serait faux de faire à croire que j'ai joué à tout ce qui s'est fait. C'était quand même assez épeurant, je veux dire. Répertorié, là, rien que sur le répertoire de l'émulateur même, il y a au-dessus de 6000 arcades. Fait que non, j'ai pas tant de connaissances que ça, mais j'en ai joué beaucoup. À 6000, ça m'en fait. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Là, non plus. Ouais, mais tu sais, il y a 71 Tetris puis 480 Mahjong, là, fait que ça compte pas une salle. Ouais. Ils ont pas du tout brûlé la sauce, d'ailleurs. Non, ben, ça me fait penser que je suis allé au musée de la civilisation du jeu vidéo, ah, moi, c'est un bout, puis j'ai joué à ces machines-là de punk, puis de... tu sais, t'as punk, t'as plein de vieux stocks. D'ailleurs, t'avais une machine d'arcade de Terminator avec les deux Uzi, ou je me souviens plus. Ah, oh man, c'était vraiment le fun. Et oui, j'ai trouvé aussi là-bas le jeu qui me faisait triper aussi. Tu sais, Sis, on s'en parle souvent. Moi, mon jeu fétiche d'arcade, oui, monsieur, c'est Astérix. Moi, j'ai trippé raide là-dessus. Puis quand j'étais jeune, dans le temps, écoute, mes parents étaient pas riches, puis des Nintendo, ça coûtait cher. Mais on avait emprunté un à ma tante qui, elle, écoute, avait de l'argent, puis elle jouait à Rodez. C'est elle qui m'a fait découvrir Mario Bros 3 pour la première fois, puis c'est là que j'ai pogné la piqûre. Soit peu importe, mais juste pour dire que je jouais à Gunsmoke. Et là-bas, au musée de la civilisation du jeu vidéo, il y avait une machine d'arcade de Gunsmoke. Ouais, j'ai trippé raide. Moi, j'ai découvert ce jeu-là avec le deuxième Retour vers le futur. Ah ouais? Ouais, c'est le jeu fétiche de Marty McFly, mais là on se lance dans le geek profond. Ouais, c'est vrai. Tu m'en apprends une, tu sais. Ouais, moi aussi je savais. Ouais, c'est le fun à savoir, vraiment. Ouais. Mais non, Gunsmoke, là, c'est raide, là, c'est vraiment dur, mais au NES, ça avait rien à voir, là, je veux dire, c'était tellement dur. Tu sais, sur la borne d'arcade, t'avais trois pitons. Tu sais, t'en avais un pour tirer, je pense à la verticale, à l'horizontale vers la gauche, puis pas à l'horizontale, mais. Sur le côté à gauche et le côté à droite, puis c'était tellement dur, Gunsmoke, mais... Ouais, mais il y a une version de Gunsmoke qui joue celle que je parle, qui est dans Retour vers le futur, et celle que j'ai connue, c'est celle avec un light gun, là, pareil comme le Duck Hunt du NES, là, si on veut. Ah oui, c'est là je m'en souviens, c'est dans le restaurant que tu parles. Là, exactement. Ouais, ah, mais je savais même pas que c'était Gunsmoke. Et ben... Fait que, ouais, ben, moi, je te dirais que, à part ça, tu sais, il y a, dans mes souvenirs d'arcade, il y a Astérix aussi. Puis je pense que Dom aussi, il y en avait de ça. C'est pas beaucoup. C'est, comme je te dis, c'est très vague. J'avais déjà joué aux Galeries de la Capitale. Ouais, c'est à ça, Québec, je m'en avais dit. Galeries de la Capitale, ouais. De loin que je me rappelle, je pense que c'était Killer Instinct. Puis peut-être Mortal Kombat, les Street Fighter, mais pas plus que ça. C'est des vagues souvenirs, ça fait trop longtemps. Non, non, c'est effectivement très loin. Puis toi, c'est sûr, Cis, sont tellement de tes souvenirs d'arcade. Ouais, donc, on en aurait probablement jusqu'à demain matin, mais vite de même, là, je veux dire, qu'est-ce que t'aurais à nous dire là-dessus? Ben, moi, je dirais que la première qui m'a vraiment marqué, parce que, oui, j'ai joué depuis longtemps, puis, tu sais, quand j'étais bien, bien jeune, ce qui était drôle, c'est que le trip allait se rendre à l'arcade, étant donné que tous les parents détestaient l'arcade parce que c'était là que les vendeurs de drogue se tenaient. Ben, tu sais, c'était comme une expédition vraiment risquée, là, d'aller trouver du change puis d'aller passer un après-midi dans l'arcade, là. C'était vraiment fou dans la tête. Fait que, une qui m'a marqué, tu sais, un peu après cette époque-là, parce que moi, j'allais à l'arcade, tu sais, pour aller un peu, pour aller défier l'autorité de mes parents, puis j'étais cool parce que je jouais à des jeux, je passais mes 30 sous là-dedans, mais apprécier les jeux pour apprécier les jeux, je pense que c'est pas arrivé avant le deuxième Mortal Kombat, que quand la machine est arrivée dans l'arcade, là ça a été comme un gros wow, là, watch out, y a plus rien d'autre qui nous intéresse dans la vie. Le nombre d'argent que j'ai pu passer à ça, moi puis ma petite gang de chums, c'est d'ailleurs de là que mon surnom 6 vient, c'est que c'est quand tu pouvais sauver tes high scores, tu pouvais toujours mettre 3 lettres pour sauver ton nom. Puis oui. Moi, dans les arcades, mon nom c'était 6. Pourquoi, je m'en rappelle plus, mais c'était 6 et c'est de là que ça vient. Fait que oui, Mortal Kombat 2, ça a été probablement ma plus grande révélation de l'histoire des arcades. Sinon, la bonne vieille Neo Geo, que quand j'ai vu ça arriver, que non seulement c'était une borne tout cassée, elle était grosse, massive, du son stéréo, super gros boosté. Puis on pouvait changer de jeu. Moi, c'était hallucinant, là. Je voyais la borne, puis t'avais 4 types de jeux différents que tu pouvais choisir avant. Tu sais, c'était juste complètement fou, là. Tu sais, des petites révolutions qu'on avait dans le temps, que ça ne nous prenait pas grand-chose, là, ben c'était ça. C'est vraiment mes deux plus gros souvenirs, mes deux gros événements de jeux vidéo, de souvenirs, mettons. Là. Sinon, écoute, il y en aurait des tonnes, là, des bébés à quoi j'ai joué, mais les majeurs, je te dirais que c'est ceux-là. C'est vraiment fun, ça. Ouais, c'est vraiment trippant. Ce qui est intéressant, pour ceux qui ne savent pas, toi, en fait, t'en fais aussi. T'es un gars qui fait des machines d'arcade custom. Mm-hmm. Ben, ce qui arrive, c'est que quand il y a eu la chute des arcades, quand ils ont commencé à tout vendre, tout fermer ça, les propriétaires et les opérateurs de machines se sont mis à détruire les machines, mais ils gardaient l'électronique en ayant l'idée que bon, les pièces électroniques à l'époque pouvaient peut-être valoir quelque chose. Et puis non, ça vaut absolument rien. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des collectionneurs puis des dudes comme moi qui ramassent ça soit par sur Internet ou whatever, par eBay, n'importe quel club de collection qu'on veut. Puis on ramasse ces morceaux-là, puis à partir de ça, on peut reconstruire des arcades, puis tout a été, je veux dire, il y a plein de personnes autour de la planète qui travaillent à des nouveaux procédés pour rendre, mettons, les écrans modernes d'aujourd'hui, les donner l'allure de l'époque pour pas que les jeux ou comment brancher des manettes USB dans une borne d'arcade de jadis pour éviter des coups. Fait qu'il y a plein de monde qui travaille à ça, à faire des espèces de bornes custom pour refaire vivre cette époque-là, pour que tout le monde puisse avoir sa petite borne chez eux dans le salon, puis... C'est ça mon gros trait. Moi, c'est de là que j'ai parti. J'en ai construit une comme ça. Je pense que c'est vraiment un coup de tête. Là. Je sais pas ce qui m'a pris. Depuis, j'ai pogné à piqueur. Puis ça en fait, je dirais, un peu plus qu'une douzaine que je fais. Puis que je vends à des jams. Puis que. Ouais, mettons que j'aille pas ça. Ah. Me fait une belle passion, en tout cas. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience, parce que côté technique, là, le monde souvent me dit je serais jamais capable de faire ça. Je suis pas menuisier, puis je suis pas un technicien en électronique non plus. C'est juste que c'est l'électronique de base. Je me suis comme juste donné la peine de lire beaucoup. N'importe qui serait capable de faire ça. Faut juste que tu te motives un peu. Honnêtement, c'est pas si compliqué. Ah, moi, j'aurais pas la patience. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, il y a du monde qui sont manuel zéro, là, c'est dangereux quand même, des doigts puis de l'électricité là-dedans. Mais non, sinon c'est pas si terrible que ça. Eh ben. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, on serait rendu à parler de nos jeux qu'on a joué de la semaine. Qu'est-ce que tu joues en ce moment? T'as joué toi, mon petit 6? Hein, les deux me le demandent, puis ils sont contents de me le demander. Parce qu'ils savent. Hein. Ben, je suis même là. C'est un plaisir coupable, je l'assume. Moi, ces temps-ci, je joue aux Skylanders, gros comme le bras. Puis j'adore ça, j'ai pas de honte à le dire. J'aimerais bien ça mettre ça sur le dos de ma blonde parce que je joue avec ma copine, puis ma copine elle adore ça aussi. Ma copine n'est pas gamer, c'est pas en tout. Quand j'ai mis ça entre les mains la première fois, elle a tout de suite accroché, c'est vraiment simple. Puis tu sais, l'environnement est beau, les musiques sont bonnes, c'est un jeu qui est le fun à développer dedans. Puis j'aime ça, je joue avec ma blonde, je passe des super de belles veillées. Fait que tu sais, je mets pas ça sur son dos, j'adore le jeu autant qu'elle, mais bon, c'est ma principale raison c'est pourquoi je joue énormément à ça. Sinon, je joue à un jeu de Sega Saturn qui s'appelle, attendez que je me rappelle pas du nom parce qu'il est juste à côté de moi, Guardian Heroes. Ça, je sais pas si vous connaissez ça. Guardian Heroes, il vient de ressortir, je pense, sur le Xbox Live Arcade. C'est une espèce de beat'em all sur, je dirais, en trois dimensions, dans le sens où il y a trois plans sur lesquels on se bat. C'est un beat'em all mélangé avec du RPG, avec une allure de manga japonais. C'est vraiment beau. Le look est vraiment particulier de ça, puis vraiment cool. Le seul problème, c'est que c'est ça, j'ai la version japonaise, puis que, ben, tu sais, c'est ça, les éléments d'RPG, c'est assez dur de booster ta magie de feu quand que le côté magie, c'est écrit en japonais. C'est comme, what? Ouais, c'est plus dur de comprendre. Ouais, ben, on guess, hein, puis on se débrouille comme on veut, mais c'est parce que la version japonaise est 120$ moins chère que l'autre, fait que j'ai opté pour l'économie. Ouais, là, je suis bon, moi. J'ai peut-être bien sauvé 300-400$ à acheter des jeux de Super NES en japonais. Ah oui, c'est bon, moi, laquelle que je pense, Hagane, c'est ça, je pense que j'ai acheté le japonais qui est comme beaucoup moins cher, puis qui, ouais, c'est la meilleure des choses que tu peux pas faire. Anyway, ce genre de jeu-là, t'as pas besoin de le lire. Ah ben c'est ça, je pense qu'il vaut 40 en japonais, puis il vaut 300 US, ça a pas de sens. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est pas, il y a pratiquement rien à lire dans ce jeu-là, ah, on s'en fout. Là. Même jeu. Puis t'as acheté un autre jeu aussi que tu m'avais fait découvrir qui est excellent, qui était fait par Sunsoft. T'as acheté la version japonaise, puis la version US, là, ça ni qu'une tête. C'était quoi le jeu? Hey, Colin, ben, je dis que ça a été fait par Sunsoft, mais tu sais, c'est comme c'est un platformer, puis c'est raide en Jésus, un ninja, madame ninja, on a fait la même. Seigneur. Tu m'avais montré ça sur un bout que t'as acheté ça. Ah ouais. C'était solide, là, tu sais. Puis en partant, les platformers que t'as pas besoin de lire, tu sais. Bon, ben, c'est ça. Ça donne quoi de l'avoir à 300$, tu sais, je veux dire, achète-toi les japonais, là. J'ai fait ça avec Megaman X3 aussi. Ouais. Complique pas la vie. Genre. Ça, c'était-tu encore une zone? Toujours. OK. OK. Je suis pas habitué à faire des podcasts de Skype, hein, fait que... Non, c'est pas évident. Faut qu'on se fasse des cues spirituelles. Faut qu'on s'envoie des messages par la pensée. Et, ben, je suis sous, fait que j'ai pas envie de penser. Okay. Pas de problème. Pas de problème. Je suis à tes habitudes. Eh oui. Toi, Dom, quoi tu joues, t'en sais? Rien pantoute. Non, M'envoie pas, toi. Non, je joue régulièrement à Borderlands 2. J'ai commencé des extensions qui sont franchement vraiment trippantes. Ouais, c'est ça, ils ont l'air vraiment trippantes. Ben, toi, tu parles des premières extensions de campagne? Ben, ouais, là, ben, en fait, toutes là, il y en a sorti 4. Ok. Puis, je joue là. Je les avais pas encore faites, j'attendais de toutes les avoir achetées. Okay, avant de commencer, fait que là, c'est ça que je fais. Ah, cool. Puis c'est vraiment trippant. Après ça, j'ai commencé à jouer à Sleeping Dogs, qui est vraiment, vraiment trippant. C'est comme GTA, mais à Hong Kong. Ouais, sauf en mieux, les combats sont vraiment fun, puis non, c'est un Christy de bon jeu à date, là. Moi, je le recommande à toute personne qui aime les jeux comme GTA, là. Sandbox. Ah oui. Et voilà, c'est exactement la raison du pourquoi j'y ai pas joué. Tout le monde a fait la comparaison à GTA et je déteste ce type de jeu. Je sais, je pourrais manger des volets pour ça, mais je suis un des rares qui je suis pas capable. Tout le monde m'achale avec la sortie de GTA V qui s'en vient. J'en ai rien à battre. chacun ses goûts. Ouais, mais tu sais, je viens de caler que je joue aux Skylanders puis un jeu de Sega Saturn. Fait que mon opinion, là, on s'en tabarnak un peu. Ouais, mais tu sais, dis-toi que. Tu sais, dis-toi qu'il y a du monde qui n'ont pas aimé ben des bons jeux. Mais t'as-tu déjà joué à Red Dead Redemption? Même ça, t'as pas aimé ça? J'ai aimé le côté parce que, comment je te dis, le côté western de la chose m'attirait énormément. Mais à longue, le gameplay est venu qu'à me tanner. J'ai jamais fini ce jeu-là. Je suis d'accord que c'est un très très très bon jeu. L'environnement est extraordinaire, mais c'est pas mon type de jeu, je te dis. C'est trop. Je pense que c'est trop, tout simplement trop vaste. Je me perds là-dedans, puis à un moment donné, quand que je manque de ligne directrice, on dirait que je m'ennuie. C'est vrai que c'est grand, c'est vraiment l'environnement est énorme. Je te dirais que j'ai ce même problème-là aussi des fois, mais ça dépend. Tu sais, comme des jeux de main, je vais les jouer en coop avec mes chums, tu sais, puis ouais, ça, c'est fun. On niaise, tu sais, je vois ça comme un espèce de gros terrain de jeu avec on a des guns, puis des chevals, puis des maisons, puis du monde, parce que bon, On va se faire du fun, tu sais. Mais j'avoue que des fois, moi aussi, je suis un peu de même. D'un jeu, là, style, justement, sandbox, là, quand je viens que c'est trop grand puis il y a trop d'affaires à faire, j'ai l'impression. C'est pour ça que GTA V, j'ai hâte de voir, parce que d'après ce que je vois, là, je me demande, c'est quoi les limites de jeu, là, si tu peux tout faire. Ouais, vraiment, ça a l'air c'est plus gros. Du parachute, que... plongée sous-marine, ouais. ça pas de sens, à quel point il y a des choses. Tu peux... j'espère qu'on ne retournera pas faire du bowling avec Roman, parce que là, maintenant... Ouais, Roman, il commence à me gosser avec son bowling. T'es en train de tuer du monde, puis t'appelles, « Hey, t'attends-tu de jouer au bowling? Hein? T'attends-tu d'appeler plus tard, Cataillet? Je suis en train de tuer du monde. » Ça, c'est un rire mal à l'aise de gars qui comprend pas pantoute de quoi vous parlez. Ouais, non, c'est parce que GTA 4, c'est comme rendu un inside, là. Okay, non, tu vois ce jeu-là, puis... ton frère qui s'appelle Roman, en tout cas. Peut-être je pense que c'est Roman. Ouais, on a fait la même. Ouais, en tout cas, bref. Puis il t'appelle tout le temps pour jouer au bowling, tu sais, mais c'est rendu. Tu t'es en train de massacrer une game de gangsters, puis il t'appelle, ouais, tu veux-tu jouer au dark? Moi, non. En sac, je suis en train de. J'étais en char, puis je suis de bord de mourir. Fait que c'est ça. Fait que à part ça. Pour ça, c'est pas mal tout, je pense. Pas mal tout? Ouais, j'en ai encore plein d'autres, mais j'en aurai pour longtemps. C'est bon. Écoute, je vais avec moi-même. Oui, moi, dans le fond, j'ai joué à... c'est ensuite de jouer à Mario et Luigi. Okay. Bowser Inside Story. Sauf que là, j'ai arrêté parce que ma version 3DS, c'est pas super avec le micro. Parce que dans ce jeu-là, dans le fond, t'as comme des séquences où ce que Bowser il devient absolument gigantesque, là, genre Godzilla-like. Là. Puis là, t'as des combats. Mais ce qui est cool, c'est que tu sais, au lieu d'avoir ton écran de DS normal, tu sais, les deux écrans comme t'es habitué, ben là, faut que tu le cantes sur la droite, fait, comme un livre. Mais là, quand tu viens pour attaquer, tu sais, t'as une attaque, parce que là, il crache du feu, il faut que tu souffles. Et mon gars, c'est tellement... irrégulier, là. Mais Seigneur, je me vois pas souffler sur une console à part mes cartouches de Super Nintendo. Mais tu sais, c'est cool dans le temps, parce que dans la DS originale, t'avais le micro. Tu sais, c'était cool. Fait que c'était précis. Tu soufflais dedans. Même dans, je me souviens, Zelda, je sais pas si toi t'avais joué, c'est les Zelda Phantom Hourglass. Non, mais pour. J'ai joué par exemple à Mario Luigi Inside Story, hein. Bowser Inside Story, puis je me rappelle exactement ce moment-là. J'ai joué sur la DS originale que j'ai encore d'ailleurs, puis que j'ai gardé à cause de des petits moments comme ça. Que justement, le micro il est dans le pli, là. Fait que peu importe où tu souffles, ça marche. Hein. Ouais, ben c'est ça. C'est que moi, ça me prendrait quasiment le DS original, parce que là, c'est honnêtement, c'est affreux, là. Ça n'a pas de sens comment ça marche pas. Fait que je l'ai comme laissé de côté, puis j'ai recommencé à jouer à Dream Team. Dans le fond, que j'ai acheté dimanche passé, ou l'autre, en tout cas. Honnêtement, là, j'ai plus joué un peu, j'ai plus essayé les combats, c'est vraiment... Okay, est-ce que c'est lui sur 3DS? Oui, lui okay. est exclusif au 3DS, puis, ouais. Honnêtement, là, astiche que c'est le fun, le visuel me fait capoter. Sérieusement, là, ils ont carrément changé tout le visuel des trois autres. Astique, c'est hot. Puis le 3D marche vraiment bien. Là. Je l'avais dit dans l'épisode 63 de VGG, je me répète un peu, mais je vous le dis encore, c'est honnêtement là, mon jeu de 3DS de l'année. Là. C'est... et c'est hot de même. Super. Après ça, ben évidemment, ça fait quand même longtemps. Là, en ce moment, je joue avec Dom à Torchlight 2, que ouais. Je dois dire, même, j'ai bon. Du fun. Je suis surpris de ce jeu-là. T'avais-tu joué un peu, toi, 6? Moi, puis les jeux de PC, là. Ouais. Non seulement qu'on s'entend pas bien, mais c'est que j'ai un PC, il marche au charbon, là, donc il aime pas vraiment ça, là, quand que je load des jeux. Mais en partant, si c'est pas un jeu, tu sais, de PC de gaming, c'est... Ben, veut pas quand t'as pas un bon PC, pas, ouais, c'est plate ça, de jouer mais je veux dire, il est pas fait pour ça, ouais. Mais, t'sais, c'est normal, un peu. Ben, tu sais, juste pour vous donner une idée, je viens de m'acheter une tablette, puis une petite tablette de 7 pouces, puis je joue à des jeux qui sont fucking plus performants là-dessus que sur mon PC, fait que... non, j'ai pas un PC de gaming. Ah, c'est bien que... C'est bien que hein. De toute façon, tu sais, c'est pas plus grave que ça, mais Torchlight 2, ce que j'aime, c'est que le jeu, il est pas fait comme Diablo 3 visuellement, mais le reste... Hey, ton chum, il est en train de s'étouffer, gars. Va l'aider. On s'en fout de Torchlight 2, 2 minutes, va aider ton chum, t'es en train de mourir, gars. non, c'est correct. Tout va bien. Donc, ouais, c'est ça, fait que... non, mais c'est le gameplay qui me fait triper, parce que ce jeu-là, dans le fond, c'est pour ceux qui savent pas, c'est un des créateurs de Diablo 2 qui l'avait fait. Ce que j'adore, c'est que, oui, j'ai vraiment l'impression de jouer à Diablo 2, mais évoluer avec d'autres tous les petits détails que ce jeu-là me donne, là. Ben, comme, c'est ce que j'aime ça. Comme plusieurs disent, c'est ce que Diablo 3 aurait dû être. Ouais, littéralement. Sérieusement. Je les comprends, stock que je joue, je les comprends. Ouais, parce que écoute, t'as tellement du stock, le loot est intéressant, t'as des items rares, t'as des items comme ultra rares, pis t'as des kits rares. Ça serait mon genre de jeu, par exemple. Être sûr que ma machine le prendrait, quoique j'ai joué à Diablo 3, mais j'adore ce type de jeu-là. Ouais, oui, moi aussi, sérieusement, là, il est pas graphiquement parlant, là, on est loin de Diablo 3, dans le sens qu'il est pas aussi performant. T'sais, t'as des détails, c'est beau, mais c'est pas aussi beau que Diablo 3. Fait. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. Ouais, non, mais c'était dans le sens que t'as pas besoin d'un gros PC de la guerre qui tue, tu sais. Mm. Fait que, mais même tout pour les détails. Moi, avoir un familier dans un jeu, là. J'en avais un quand je jouais à Symphony of the Night. J'en avais un quand j'ai joué à Castlevania, le deuxième en 3D au PS2, puis au Xbox, que là, le nom m'échappe. Curse of Darkness. C'est ce que j'aime ça des familiers. Tu sais que moi qui trippe ces familiers, si j'aime tellement ça un familier, là, ça t'aide. Non, t'es pas le seul. C'est le fun aussi. Mais tu sais, comment tu peux pas aimer familier? Non, c'est ça. De Symphony of the Night qui dit oh sweet. Tu sais, c'est fantastique. Oh, il y a peut-être la fin dans Symphony of the Night. Je l'ai jamais boosté, moi. Elle est pratique de healer, mais à un moment donné, moi, ce jeu-là, je venais que j'étais surpuissant là, avec l'épée. Fait que. Pis j'avais pas besoin. J'aurais pu farmer le même monstre pendant encore une demi-heure. J'aurais été encore plus surpuissant que j'étais là, pis j'ai pas une misère à Dracula. Ben, gars, c'est pas compliqué. Dans Symphony of the Night, il faut être puissant. On s'éloigne, mais tu farmes le bouc. C'est une espèce de petit fantôme dans la librairie. Moi, j'ai déjà passé 2 heures, là. Ben, quand j'étais à flot avant, pis l'item dropait pas. Pis quand l'item drop, il drop Chrysagrim, qui se trouve à être un épée qui est comme ultra trop rapide. Ça brise le jeu quand même. Elle est pas forte d'attaque, mais oui, ça brise le jeu parce que t'es trop puissant. T'sais, tu fais rien qu'avancer pis tu bâches le carré pis t'es Dracula, je veux dire, il t'offre pendant 2 minutes. Pour te faire chier, je l'avais trouvé sans farmer. Non, le pire item là-dedans, là, c'est un espèce de squelette en or qui donne des rings. Je pense que c'est le Ring of Varda. Puis c'est tellement les meilleurs rings du jeu, mais ah, oh, Stitch qui drop pas souvent ces hosties de rings-là. Non. Ça, à un moment donné, je viens de m'attendre, là, c'est comme là, tabarnak. Là. Au pire, m'en fous. Là. En tout cas. Fait que c'est ça. Symphony of the Night, c'est un bon jeu. Mais ouais, tout ça pour dire que dans le fond, pour ça, j'ai joué à Borderlands 2 aussi en masse. C'est vraiment trippant. Je le joue sur console. Puis j'ai eu vraiment du fun. Puis après ça, c'est pas mal ça. J'ai joué à Serious Sam que j'ai passé dernièrement, le premier. Connais-tu ça, Serious Sam, 6? J'ai eu une copie, un bundle que j'ai acheté du Xbox original. Puis je m'étais fait vanter les mérites de Serious Sam, puis il était dans le bundle. J'étais tout content, je pense ça. Dans tout le bundle que j'avais eu, je pense que c'était 50 jeux, c'était le seul qui marchait pas. Fait que j'ai jamais joué à Serious Sam. Ah ouais? Ouais. Ok. Ben ça ressemble de c'est ce que Duke Nukem devrait être, là. On parle bien de Forever. Ou pas. Mais non, sérieusement, c'est vraiment le fun. C'est un shooter. Tu mets ton cerveau à off. Ah oh, ouais, puis tu tires toutes les bébites qui viennent te tuer. Ouais, c'est ça. Le jeu est réputé pour avoir des vagues incroyables de bébites. Ouais. Fait que c'est un run and shoot. Ouais. That's it. Puis c'est vraiment trippant. Faut aimer le genre. Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça dans ce que j'ai gamé. Ben, si je peux me reprendre, tu m'as fait penser qu'il y a un autre jeu auquel je joue. Ouais. Comme j'ai dit tantôt, je me suis acheté une tablette puis je game un peu là-dessus en deux jobs. Puis ouais. Le jeu s'appelle Dead Trigger. Je sais pas si vous connaissez ça, il est disponible sur iOS puis sur Android. Ah, tout. Non, je connais pas. c'est un jeu, justement, un genre de shoot 'em up de zombies, un first-person shooter de zombies. Qu'est-ce que c'est ça? Tu mets ton cerveau à hache, puis tu tires tout ce qui bouge. Il y a du sang tout partout. Moi, je suis tout content. C'est tout ce que j'ai besoin dans un shooter. Moi, c'est ben des têtes qui arrachent, puis du sang. Ouais, on va avoir une histoire à tout casser pour avoir du fun. Moi, j'aime bien ce style de jeu-là aussi. Allez voir ça sur iOS, c'est gratuit. T'sais, c'est comme un très, très, très bon jeu, gratos. On peut pas passer à côté. Ah, c'est sûr. Ah, super. Puis même, je vais faire une autre parenthèse. J'ai allumé dernièrement que les jeux qui sont gore me font triper aussi. C'est quoi le dernier jeu vraiment gore que j'ai joué puis j'ai tellement trippé là. Je m'en souviens plus, maudit. Moi, il y a des jeux qui sont carrément mauvais, mais parce qu'ils sont gore, j'adhère, tu sais. J'avais parlé dans un de mes premiers shows, et d'ailleurs, je pense que tu m'en veux encore, Dan. Je disais que Splatterhouse, je disais que c'est un très bon jeu, et je soutiens mon opinion. J'adore ce jeu-là juste parce que c'est gore. Parce que quand tu massacres des bébêtes, il y a tellement de sang que tu vois même plus au travers de ton écran, tellement qu'il y a du sang qui coule partout. Et je trouve ça cool, ça. Écoute, tu peux battre une bébête avec son propre bras que tu y as arraché, man. Come on! Qu'est-ce que tu veux demander de plus que ça? Mais tu sais, ça, j'avais acheté ça d'une bin à 20$ au Walmart. Puis d'ailleurs, j'étais avec mes chums dans ce temps-là. Puis je veux dire, j'avais joué. Puis non, c'est sûr, moi, ça m'avait c'est peut-être rendu trop difficile aussi. Mais quand c'est gore, là, c'est que ça me fait triper. Alors, on dirait qu'on aime ça, on prend un plaisir mal si on va du sang avec des têtes arrachées. Ouais. Bienvenue dans mon monde. C'est clair. Super. Ouais, fait que dans le fond, écoute, c'était ça ma petite parenthèse. Ouais, fait qu'écoute, j'ai le goût de, sans plus attendre, décoller avec notre premier bloc. Ouais, ça. Hein? Parfait. Tu penses de ça, toi, Pierre? Moi, je suis bien d'accord. On met-tu un jingle? Ben, pourquoi pas? Ouais. Hey, on va en mettre un. Ouais, ben, il y a un petit jingle entre les tunes. Ouais. Entre les blocs, c'est le fun. Bien on sûr. Fait on fait changement. C'est le fun. Vous dites ça de même, puis tout, puis vous l'avez pas entendu, puis c'est moi qui fais le montage. De voir. Ou peut-être qu'il y en aura pas. Peut-être dans le fond, on va se faire avoir. Ah, on y a pas. Suspense. Eh oui. Hey, fait que là, Dom, explique-nous donc, là. Hey, on a un nouveau, là. Écoute, là, hey, on a des thèmes, là. C'est des blocs, là. Explique-nous ça. Ben, on a nos quatre blocs, comme d'habitude. Yes! Puis, dans le fond, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a... Et pour chaque bloc, il va y avoir un thème, un type de jeu, dans le fond. Ouais, exact. Comme là, le bloc 1, ça va être les shoot'em up. Ouais, ou comme disait, le musée de la civilisation, tire-le vers le haut. T'es-tu sérieux? Écoute, j'ai des photos de ça, là, j'en revenais pas, j'ai pris une photo de ça, j'ai dit, j'étais avec mon chum, j'ai dit, viens voir ça. Puis, tu sais, il disait, shoot them up en anglais, tu l'avais à côté, puis à côté, ça marquait, tire-les vers le haut. Hey, tu vas mettre ça sur Facebook de Geekorama, hein? Oui, oui. Je veux voir ça. Ah oui, je riais tellement, là, j'ai dit, mon Dieu, c'est une joke. Ben, une autre anecdote insolite, tant qu'il y ait, j'arrive en avant d'un stand, puis comment que c'est fait, c'est que, tu sais, t'as une espèce de présentoir avec un plexiglas. Puis tu as la console, tu as le jeu, puis tu as l'écran. Fait que là, moi, j'arrive en avant de ça. Puis c'est Metroid Prime au GameCube, un excellent jeu, supposément. J'ai pas encore fait. Puis dans la description en bas, parce qu'il y a tout le temps une petite case avec une description, c'était la description de Metroid Fusion au Game Boy Advance. Fait que moi, je trouvais ça vraiment drôle de lire la description de Metroid Fusion. J'ai pris des photos de ça aussi. C'est le fun qu'ils savent de quoi ils parlent. Fait que tu sais, moi, j'ai dit, coudonc, y'a-tu du monde qui connaît ça, le jeu vidéo, ou c'est... Tu m'ouais, en tout cas. Ben écoute, au nombre de chadrons qu'il y a sur YouTube qui font des critiques de jeux vidéo et qui savent pas de quoi qu'ils parlent. Hein. pas surpris qu'il y en ait qui soient capables de monter un musée. Hein. J'aime tellement ta façon de parler. Ouais, moi, les choses, c'est fantastique. Faudrait que tu sois avec nous autres en train de prendre une bière en ce moment. C'est le fun. Juste pour pas qu'il y ait rien de confondu, moi j'approuve qu'un seul show de télé qui parle de jeux vidéo et c'est Rétro Nouveau. Les autres, c'est les meilleurs, ils savent de quoi qu'ils parlent. That's it. Les autres, tous des perdants. That's it. Bon ben, hein, c'était assez clair ça, Yann. Ouais. Hein? Là, bon ben, comme Dom le disait tantôt, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, non, pas de problème. Je vais y aller dans le fond avec comme on disait, la description des blocs. Le deuxième bloc, ça va être les beat'em up, donc les brawlers, tout ça, comme dernièrement Dragon's Crown qui est sorti, puis tout ça. Fait qu'on va avoir des tonnes de ça. Puis, hey, Sis, toi, tu suis-tu un peu, on va te demander, ce serait quoi notre troisième bloc? Ben, je sais qu'est-ce que ça peut être, mais je sais pas dans quel ordre vous avez mis ça. OK. Moi, je dirais, attends, ça se pourrait-tu que ce soit le run and gun? Oui! Exactement! Super! Hein, le gars qui essayait de me pogner, tu t'es fait avoir, là? C'est voilà correct! Un biscuit. Trois morceaux de robot. Un biscuit. Puis, le quatrième bloc, ben, ça va être les jeux de combat, donc tout ce qui est fighting game. Comme Mortal Kombat, Killer Instinct, des choses comme ça. Fait que, écoute, ça va être un beau gros club sandwich bien garni. Mon Dieu, viens de me donner faim. Ben oui, hein. Avec du bacon, puis des œufs. Hein? C'est pas bon, ça? Fait que là, écoute, bloc 1. En fond, c'est qu'on a, c'est que pour chaque bloc, on a notre toune, notre propre toune. Exact. On a chacun une toune. Ben, même 6 aura sa toune. Ben oui. Malade, hein? Non, moi, j'ai pas des tounes, j'ai des chefs-d'œuvre. monsieur a des chefs-d'œuvre. Ok, c'est bon, on verra bien. Bon, fait que c'est qui commence, les filles, à présenter tout? J'y vais? Non, il va se voir. Vas-y. Je tiens à dire, en parlant warning, petit criton en dessous de ton étiquette déjà, la plupart des jeux qu'on va parler là-dedans, je les connais pas trop. Tu sais, d'habitude, on aime parler du background, là. Mettons que le spécialiste, à soir, c'est moi Pierre. Pierre va se faire du fun. Pierre, il va me descendre, il n'y a pas de problème. Il va se faire du fun à connaître plus que ça que nous autres. Fait que c'est moi, je vais parler du jeu, puis je vais parler de mon appréciation globale de la chanson, puis ça va s'arrêter à ça. Donc, ben moi, dans le fond, ma première toune, ça va être Akai Katana. OK, je viens de comprendre pourquoi tu disais ça, là. Ouais. Et la chanson Neamon. Ben, moi, avant de choisir cette chanson-là, je connaissais pas ça du tout, je suis allé voir des vidéos sur YouTube. C'est un méchant bon schmop. Un tir vers le haut. Vraiment, là, je veux dire... il y a vraiment de l'air beau, honnêtement, mais la musique, elle torche. Celui-là, c'est beaucoup plus un tir vers la droite, je dirais. Ouais, c'est vrai, c'est un tir vers la droite, à défilement latéral. Et ça, dans le fond, de ce que j'ai compris, on discutait de ça tantôt, il est sorti sur 360 en 2012, mais ça vient d'un jeu d'arcade quand même. Ouais, mais je pense que l'original, je pense qu'il est sorti en 2012, quoi, soit 2-3 mois avant. Là, c'est... Puis ça, c'est des bandes d'arcade qui sont propulsées par des Xbox 360. Fait que d'une façon ou d'une autre, c'est pas. Tu sais, c'est plus comme si c'était. T'sais, ils font pas une machine, puis ils vont faire un port pour les consoles de salon. Ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, c'est que c'est la même maudite machine qui drive tout. C'est depuis l'époque du Dreamcast qu'ils font ça, où il y avait. Je me rappelle pas du nom du système. En réalité, quand ils ont sorti ce système-là, ils ont sorti le Dreamcast en même temps. C'était les mêmes foutues consoles d'une façon ou d'une autre pour que l'expérience soit identique. Puis ce qui est arrivé avec Akai Katana, c'est qu'ils ont sorti une borne, mais qui est propulsée par le hardware d'un Xbox 360, si on veut. Ah ouais, ok. J'ai pas du tout compris ce que t'as dit, mais c'est pas grave. Ben, en gros, c'est pas un port, c'est exactement le même jeu. Tout simplement. Ah, ok, ok. Ah, okay. Je voulais faire semblant que je connaissais mon affaire. Ouais, c'est vrai. Fait que, ouais, donc, la tune est vraiment excellente. Ils ont pas utilisé... Ben, je pensais que c'était de la guitare. Il y a beaucoup de claviers, mais c'est assez mixte. Mais j'ai été très, très, très déchiré. Je savais pas quoi choisir dans cette soundtrack-là, parce que j'avais une espèce de playlist sur YouTube. Puis au fur et à mesure que les tunes jouaient, j'étais là, OK, mon Dieu, elle est bonne, celle-là. Sont toutes bonnes, c'est pas compliqué. Il y a pas grand-chose qui est mauvais de ce jeu-là. C'est vraiment tout excellent en tant qu'à mourir. Ben, si tu pourrais avoir la chance, si tu me permets, je vais parler un peu du jeu parce que j'en suis... Ben oui, parce que tu en connais plus que moi, c'est toujours plus intéressant que ben, parce que je suis vraiment amoureux de ce jeu-là. C'est un schmop que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps, curieusement. Je l'ai connu un peu sur le tard parce que, bon, j'étais dans un boss de schmop et je cherchais qu'est-ce que j'avais pas vu. Puis c'est un shooter de la compagnie Cave. Puis la compagnie Cave, récemment, c'est comme la bible des schmops, là. C'est un vrai bullet hell, là, comme qu'on les aime. Ça faisait longtemps, je te dirais, dans les 10 dernières années, c'est de loin le shmup le plus extraordinaire auquel j'ai joué. C'est pas le plus difficile, par contre, ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que on peut le passer sans trop de difficultés. Puis le vrai fun, c'est, comme que je disais, moi, mon fun dans la vie, je suis un triple d'arcade, hein, c'est de faire des points. La stratégie d'Akai Katana, comment le jouer pour faire un maximum de points, c'est hallucinant. C'est une super de bonne idée, c'est extrêmement très stratégique pour un schmop. C'est ce qui en a fait probablement un des plus intéressants, vraiment le plus intéressant que j'ai joué depuis longtemps. Puis je te dirais que c'est celui que je joue encore aujourd'hui, que je me tente pas, que je me tannerai probablement jamais. Puis il est beau, il est le fun, il est super, il est frénétique comme jeu, ça arrête juste pas. C'est pas loin de la perfection, selon moi. C'est ça, c'est ce que j'avais remarqué beaucoup des vidéos, c'est fluide. Là, je veux dire, t'as quasiment pas de ralentissement, puis je veux dire, l'action est là. Puis c'est vrai que c'est beau. C'est vraiment beau comme jeu. N'importe quel fan de shmup, même sur les bandes d'arcade originales, on est habitué à certains ralentissements. Là, je veux dire, on a vu et on a enduré beaucoup. Je dirais même moi, n'étant pas nécessairement un fan d'arcade slash shmup, je veux dire, même quand je jouais, mettons, à Castlevania 4, il y a des ralentissements incroyables. Là, ça faisait partie de la game parce que la machine n'était pas assez bonne pour ce qu'il y avait dans ton écran. Mais reste qu'on, oui, on n'a qu'à s'habituer. Puis c'est pour ça que même aujourd'hui, quand j'avais mon vieux PC, que je jouais à Binding of Isaac, qu'on a parlé d'ailleurs dernièrement, puis mes chums me regardaient jouer. Tabarnak, comment tu fais pour jouer ralenti de même? Ben écoute, je suis habitué. Je suis quasiment meilleur. Mais ouais, des jeux qui ralentissaient dans le temps. Aujourd'hui, le monde capote et change quasiment de PC. Mais nous autres, c'était ça, là. C'était le même. T'sais. Ouais, mais ben d'accord avec toi. Puis Christy de bonne toune. Oui. Fait que là, monsieur. C'est à qui le tour? Oui, ben Pierre. Ah ouais. Je vais le prendre. Okay. Moi, dans les shmups, encore une fois, j'ai été déchiré moi aussi parce que, bon, il y en a beaucoup trop. Ouais. Je suis retombé, ça. Je voulais pas. Je voulais y aller dans le nébuleux un peu. Je voulais essayer de sortir des jeux que peut-être les gens connaissaient pas trop. Question d'essayer de les faire découvrir. Et puis, je suis retombé là-dessus. C'est Mars Matrix. C'est un jeu qui est venu au monde sur CPS2, qui était une bande d'arcade faite par Capcom. Tu sais, d'où vient Street Fighter 2 et compagnie, là, les jeux. Dungeons and Dragons et tout ça. Mars Matrix est arrivé dans cette bande-là comme un des premiers, justement, Bullet Hell que moi j'ai joué. 3D, frénétique, avec des graphiques vraiment, là, c'était hallucinant raide. C'est la première fois que j'ai capoté, là, que fallait vraiment que tu trouves un chemin entre les balles, vraiment tout petit, puis c'était fou raide. Là. On regarde des vidéos aujourd'hui de monde qui joue encore à ça, et puis évidemment, c'est les vidéos des préférés à Dan, là, les petits japonais qui regardent ça, puis qui te font des runs à tout casser. Et encore aujourd'hui, je suis super impressionné par ce jeu-là. Fait que, c'est ça, le jeu s'appelle Mars Matrix, la toune s'appelle Red Sky, mais demandez-moi pas c'est où. Je pense que c'est vers la fin du jeu, j'ai des vagues souvenirs, là, mais okay. C'est cela. Ah, c'est super. Ah, c'est nice. Ben, moi, j'aime ça, justement, des groupes plus nébuleux qu'on le monde connaisse pas trop. Ouais. Ça fait découvrir des jeux, puis ça évite de rentrer tout le temps dans les mêmes classiques. Exact. Ouais. Dom, ton tour! Moi, j'ai choisi une toune du jeu Aero Fighters Sonic Wings. Le nom de la toune, ben, c'est Sweden. Ou Suisse, je pense. Ouais, ben, on va dire Sweden pour le bien de la cause, parce que Suisse, ça fait ouais, un peu, c'est un petit peu laid. Ouais, c'est un peu laid. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas m'empêcher. À chaque fois que j'entends, je lis le nom, t'sais, Aero Fighter, je pense tout le temps au bord de chocolat. Désolé. Ok. Ben, moi, tu ris, mais Aero Fighter, ça a été porté sur SNES, si je ne m'abuse. Si je me souviens bien. Puis dans le temps, que j'étais pas mal fort sur ces émulateurs, je trippais vraiment ces schmops, puis lui, je l'avais joué. Me semble, du moins. Puis, tu sais, c'était un espèce de petit vaisseau blanc. C'était cheapos, mais ça faisait la job. Puis j'avais joué beaucoup, puis la soundtrack est juste malade. Comme toi, Dan, je connais pas vraiment ça, mais la toune est géniale. Ah, vraiment. Toi, Sis, t'as-tu déjà joué à ça? Ben, ici, chez moi, j'ai le 2 et le 3 de ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est le fun. Encore une fois, c'est très japonais comme jeu, hein, parce que le fait que tu te bosses souvent, c'est des buildings qui t'attaquent, puis il y a un moment donné, il y a un des boss que c'est la tour Eiffel qui saute sur toi, moi ça me fait triper bien raide. C'est complètement déjanté, ça n'a aucun bon sens, mais c'est le fun, un vrai bon shmup vers le haut, celui-là, ça va peine de le dire. Ah ben oui, un tir vers le haut. Ouais, ouais. Mars Matrix aussi est vers le haut. Ok, wow, my god, tu vois. Fait que, pour ça... pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. J'aimerais s'en dire plus, mais je m'y connais malheureusement pas super. Fait que, on se fait un recap, tout le monde. On va tout dire nos tunes un derrière de l'autre. On va commencer par moi. Alors, on s'en va écouter Akai Katana et Neamon. Je dis probablement tout croche, mais je m'en souviens. C'est pas grave, on aime ça même. C'est ça. Ouais, bien, c'est pas comme si on n'était pas habitué. Ouais, c'est ça, exact. Tout le monde Moi, ma sélection, c'est du jeu Mars Matrix, la tune Red Sky. Good. Moi c'est Aero Fighter Sunset Wings, le nom de la tune c'est Sweden. Let's go! Et on y va pour le bloc numéro 2 cette fois-ci. Oui. Pour un type de jeu différent. Maintenant, on est rendu dans les beat'em up. Oui. Les crawlers, les, on est un guerrier slash, on est un chevalier, puis il faut qu'on avance, puis on bute des babites. Je pense que le titre universel, je pense, pour les brawlers ou les beat'em up que tout le monde connaît, ça pourrait être Double Dragon. Comme, ouais, Double Dragon. Oui. Ça, c'est un des plus populaires, c'est vrai. T'as-tu une traduction française pour un beat'em up? Bolet. Frappe-les tous. C'est bon. C'est tight. Ben, d'ailleurs, oui, il faut que je le dise, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Désolé pour la traduction. Oh, pour les shmups. Tellement impatient d'entendre. Selon le musée de la civilisation du Québec. C'est pas rien, là. Il y a du, monde qui sont payés hein, pour dire des choses comme ça. Puis, dans la description, en plus, c'était R-Type. Ils disent que, bon, c'est dans l'un des plus populaires, nanana. Tire-leur dessus. La traduction pour les shoot'em up. Tire-leur dessus. Au moins, il avait raison, tu sais. R-Type, ça en est un. Il aurait pu faire ça si c'était triste. Ben, écoute, tire-leur dessus en même temps. Ben, moi, j'aime ça, les tire-leur dessus. J'ai joué à, comme je disais, à Gunsmoke, puis je leur tirais dessus. Tu sais, ça pourrait être un tire-leur dessus. Tu sais, c'est. Mm. On pourrait en parler longtemps, mais c'est pas vraiment un sujet intéressant. Fait qu'on va passer à notre deuxième bloc, si tu le permets. On va tout fucker l'ordre, puis ce sera pas moi qui va commencer. Ça va être qui? Ouais, moi. Ça va être Dom. Dom! Je vais commencer le bail. Vas-y, Dom, ouais. Le jeu Magic Sword de la toune Dragon Tower 1, round 2. Oh! Hey, ça, c'est bon, par exemple. Ouais, ça, c'est le fun. Hey, j'aimerais tellement ça vous raconter l'histoire que j'ai entendue sur Magic Sword, mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais joué à ça, j'ai aucune idée de c'est quoi. Sérieux? c'est bon, ben... C'est plate, hein? Il y avait-tu ressorti, il me semble, sur... Super NES, ouais, je l'ai d'ailleurs. Ouais, mais pas PSN, me semble. Oui, PSN aussi. Sur PSN, ce qui est vraiment spécial, c'est que on dirait que... sur Super Nintendo, puis j'ai pas le choix à l'arcade, par contre, mais au Super NES, c'est... Ça, t'sais, la vitesse du jeu est correcte, ça joue très bien. Mais sur PSN, on dirait qu'ils ont mis ça en accéléré x10. Ouais, sérieux, là, je jouais avec un chum, là, puis on a fait le jeu, je sais pas combien de temps, puis on comprenait cadavre ce qui se passait. On allait dans toutes les directions, on butait les ennemis, on dirait qu'on était invincible. Je sais pas ce qui se passait, mais on avait du fun à Amnesty. Oh, c'est vraiment débile. Ben, ça ressemble, c'est ça, dernièrement, il y a sorti le jeu Dragon's Crown par les excellents VanillaWare, que j'ai tellement hâte de jouer. J'adore ce style de jeu-là. Puis c'est comme Double Dragon, mais c'est parce que le style médiéval de ce genre-là, moi, ça me fait triper. Vraiment, j'adore ça. Je suis pas le genre de gars qui va dans les GN dans la même. Je respecte le monde qui font ça, ou du moins en partie. Mais ce genre de jeu-là, du moins, j'adore ça. Puis à l'arcade, là, j'imagine que ça peut être débile, là, des choses comme ça. Il reste que c'est une excellente toune, puis ouais. À torche. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. D'ailleurs, parlant de Knight of the Round, ça c'est un jeu qu'on aime bien aussi, mais tu voulais en choisir une de ces tunes-là, me semble, ça se peut-tu? Ouais. Parce que c'est bon aussi dans Knight of the Round. J'étais pas capable de trouver la tune. Ouais, originale d'arcade. D'arcade 5, version Super NES. Ouais, c'est ça. Mais Magic Sword est très bonne aussi, là. C'est en passant. Non. Ça, y a aucun doute. Yup. Fait que, vas-y donc, 6. Ben, moi, je vais y aller avec un autre jeu nébuleux que personne connaît, que juste moi qui ai trippé là-dessus. C'est un jeu qui s'appelle Undercover Cops. Un jeu de IRM, que je pense que vous appelez ça, compagnie, whatever. C'est la toune du stage. Ouais. C'est la toune du stage 1, hein, comme vous aimez bien. Ouais, qui s'appelle... Lui a compris. Des chars qui volent, les autres. Ouais, je peux-tu y aller? Oui, ok. le tune s'appelle Northern Barramundi. C'est assez... Pardon? Northern Barramundi. Barramundi. Veux-tu te l'appelle? B-O-2-R-A-M-U-N-D-I. Undercover Cop, c'est justement un des bons beat'em all qu'il y a eu dans les années 90 parce qu'il y a la date 1993, je dis 93, hein, c'est autour de ça, détempé dessus, mais solide, là. Il y a un personnage, tu choisis entre trois personnages, il y en a un qui est une fille, il y a un de ces toupettes légendaires et typiques aux années 90. Les ennemis que tu bats, c'est des espèces de droïdes direct sortis du film Judge Dredd, le pas bon, là. C'est vraiment épique, mais c'est cool. Là. Tout le monde est surpuissant, ils ont des muscles sur des muscles. Puis tu peux prendre un char, fesser sur un ennemi avec un char, puis tu battre du monde avec des... Il y a du fromage là-dedans, c'est fromagé. Là. Oui, ben écoute, ça arrête juste plus. Là. Des poutres, des H-beams, puis toute la patente, ça se fait. Tu sais, ça explose de partout, c'est pas trop compliqué. Faut que tu pèses vite ces pitons, puis fort. Mais tu sais, un vrai bon jeu, le fun de coop. Ah, c'est le fun. Puis la toune, ben c'est la toune, elle représente très bien. Là. C'est aussi frénétique et tout croche que le jeu. Mais c'est très bon. Parfait. Moi, j'aime ça. Tu disais ça, ça me fait penser à Street of Rage. Moi, Street of Rage, le seul souvenir que j'ai, ben là, j'ai joué dernièrement, mais dans le temps, je me souvenais juste que, tu sais, quand tu pognais le char de. Tu avais un spécial dans ce jeu-là, puis il y avait comme un char de police qui arrivait, qui pitchait des roquettes. Grosse roquette. Puis t'avais une espèce de pluie de roquettes. Moi, à tous les fois, je regardais, je suis comme, voyons donc, c'est quoi ça? Mais ça ressemble beaucoup. Le jeu Undercover Cops, dans l'histoire et dans le gameplay, il ressemble beaucoup à Street of Rage. La seule affaire, c'est que côté graphique, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus beau. Puis un petit peu désaturé, si on veut. Tout est un peu gris dans ce jeu-là. C'était, je pense, l'ancêtre de Gears of War. Eh hey boy. Tu sais, dans le dépourvu de couleurs. Là. le jeu pour ceux qui ne voyaient pas bien les couleurs. Exact. Voilà. Bon, ben mon Dieu, c'est à mon tour. Vas-y donc. Oui, ouais, donc. Ah, moi, je vais y aller avec The King of Dragon et Dark Cloud sur, ben dans le fond, c'est ça, sur l'arcade. Du peu que je me souvienne, The King of Dragon, je sais qu'on avait joué, ben tout celui-là, Dom, ce jeu-là, me semble. Sur Super NES. Ouais, sur Super NES. Mais version arcade, j'ai jamais joué. Je sais que ça ressemble beaucoup, justement, à Knight of the Round et tout ça, Magic Sword. Mais à mes souvenirs, j'en avais joué à un qui ressemblait peut-être à ça, mais je pense que c'était à Québec, justement, ou à Galerie des Capitales. Galerie des Capitales, mais c'est fait trop longtemps, puis je veux dire, je m'en souviens plus. Il n'y a pas un Donjon et Dragon, me semble. Ça se pourrait, je pense que c'était dans ce genre-là. Mais de ce que je me souviens, King of Dragons, c'était le fun. Rien à voir avec, justement, l'excellent sur Genesis Battle Axe. Mais quand même! Golden Axe. Un Golden Axe. Battle Axe, ça n'existe pas. Peut-être, mais c'est peut-être pas ce jeu-là. Mais c'est Golden Axe, je te le dis. Merci. C'est... Je vais remettre mes idées claires, ça devrait bien aller. Fait quoi, c'est ça. Donc, The King of Dragon, Dark Cloud. Très bonne tune. Ce genre de chanson-là, ça me fait triper. La plupart des tunes de ce style-là, des beat'em up, que ce soit, comme je disais, Knight of the Round, Double Dragon... Ça m'a toujours fait triper. C'est entraînant. Le gameplay est juste le fun. T'es toi. Hey, je peux-tu faire une petite parenthèse pendant qu'on est dans le mood? Ah oui! Dans les beat them up, il y en a un que moi, je me suis acheté tout récemment, un nouveau board d'arcade que je trippe solide. Puis c'était quelque chose que j'avais jamais vu, puis qui est vraiment... Ben, je dirais rare, parce que pas parce que nécessairement c'est une rareté qui vaut très cher, mais plutôt parce que c'est vraiment inconnu. C'est un jeu qui s'appelle Wild Fang. J'avais jamais vu ça nulle part. C'en est un bon beat démo. Je l'ai pas choisi ce soir parce que la musique est vraiment merdique. Mais on parlait d'un jeu gore au début. C'est assez impressionnant comment est-ce que dans l'intro, on voit des gens se faire empaler, des têtes arrachées et des femmes se faire des choses qu'on devrait jamais leur faire. Dans un intro de jeu d'arcade des années 90, c'est vraiment weird. Allez regarder ça sur YouTube, des vidéos de Wild Fang, c'est vraiment cool. Un personnage qui peut se transformer en trois types de bébites, puis tu te bats contre des espèces d'orques, puis t'es décapite, puis c'est ultra violent, j'adore ça. Ah ouais. Ben écoute, ça va sonner creepy, mais ça vient me parler, ces jeux-là. Tu sais, on parlait que j'aimais le gore. Peut-être pas les femmes qui se font faire dessus sur ce sport. Pas le fun. Donc. Ben, c'est très subjectif, là. Ben, non plus, c'est pas dégueulasse, là. Tu fais pas comme ah non, pauvre petite fille. Non, continue un jeu d'arcade, là. Ils ont quand même rendu ça agréable à regarder, là. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, dans Beat'em Up, on s'entend que Double Dragon, dans le temps, quand ça commençait, c'est quand même un dude qui punch une fille dans le ventre, puis qui part avec. Ah, c'est assez, vrai. Ouais, mais après ça, il y a les Linda qui viennent te sacrer des coups de fouette, man. Ouais, dans Double Dragon Neon. Ça me fait penser à Battletoads, c'est Double Dragon. Oui, c'est un tableau des femmes dans le tour, parce que t'es poigné par les cheveux pis t'es pitch, là. Ouais, il est poigné par les cheveux, il sac des coups de poing dans le ventre, tu sais, pour être sûr que la bitch, elle comprenne, qu'elle est pas dans la cuisine pis ça marche pas, là. Il a poigné par la queue de cheval pis c'est, tu sais, comme Hulk, en fait, avec... Swing, là, solide. Dans Avenger avec Loki, là, tu sais, fait que... Les femmes, elles sont mortes et on sort. Je me souviens d'un jeu de NES, tu sais, tant qu'à être dans la misogynie, Je me souviens d'un jeu de NES qui ça s'appelait les Caveman Games. Que c'était des hommes des cavernes qui faisaient des espèces de jeux olympiques. Puis il y en avait un, c'était le lancer de la femme par les cheveux. Ouais, c'est vrai que les autres étaient bons là-dedans, c'était les femmes par les cheveux. C'était très drôle. Il aspinait comme si, comme le lancer du marteau, si on veut. Là, mais c'était il tenait une femme par les cheveux. C'était tellement drôle. Ah, oh, mademoiselle, vous avez ça rare des jeux vidéo. Ils sont pas fans, ils ont des fouettes pareilles. Ouais, non, c'est sûr. C'est, moi, c'est une madame fouette qui me fouetterait. Peux-tu te dire aussi qu'elle volerait avec la couette? Ça pourrait me mettre en situation, mais toi, viens pas me fouetter. Ah, bon, je mets en situation, si ma blonde décide que bon, hein, on rentrera pas dans les détails. Bon. On va, on va le garder, le canard, Dan, on va le garder. On va fermer ce bloc-là. Once and for all, parce que c'est n'importe quoi. Petit recap, les boys, Dom. Ouais, pas de trouble. On commence avec Magic Sword, The Dragon Tower 1, Round 2. Oh, puis Pierre. Le jeu Undercover Cops, la toune Northern Barramundi. Et on termine avec The King of Dragons, Dark Cloud. Yeah. We'll be right back. Bon! Ouais. Fait que bloc 3! Bloc 3, Stéphie! Fait que là, c'est quoi là? Le thème du bloc 3? Le thème du bloc 3 de Mini, c'est les ronds et gonds. Dans les run and gun, cours et tire. Okay. Allez, cours et tire. Ouais. Je pense que ça le dit bien. Oui, tout est clair. Hein, 6? Bah, tout à fait. Et voilà. Fait que, bon, ben, encore là, on va tout fucker l'ordre des choses. Fait que, 6, tu commences. C'est de la pression, ça. Non, ben, moi, j'ai triché un peu dans mon choix de jeu parce que, oui, c'est un run and gun et en même temps, c'est un shmup ou un tue-les tous. Non, c'est un tire-leur dessus. Tire-leur dessus, je m'excuse. Ouais. C'est quoi? J'ai pas encore assimilé la patente un peu. Ah, oh, ben écoute, c'est pas de problème. C'est le musée qui le dit, hein. C'est le musée le dit, ils ont raison. Ouais, mais c'est ça. J'ai pas été assez souvent dans les musées dans ma vie, faut croire. Oui. Bah ouais, hein, on dirait que tu te fous de ma gueule. Un petit peu. Okay. Mais un tire-leur dessus et tu dis un run and gun. Ouais, exactement. Ben, c'est l'hybride entre les deux. C'est un jeu qui s'appelle Shock Troopers. C'est un run and gun parce que t'as un personnage qui court et qui tire, tout simplement, très à la contra, mais c'est en vue subjective, donc ça a beaucoup l'air d'un shmup, parce qu'en réalité, c'est ça, à cause de la vue du dessus, donc subjective, les ennemis apparaissent de la même façon qu'un shmup, fait que c'est vraiment l'hybride entre les deux, mais c'est parce que, bon, Shock Troopers, c'est un Christy de bon jeu de Neo Geo que tout le monde devrait avoir joué, tout simplement. La toune s'appelle Undercover, du premier des Shock Troopers, tout simplement. Ah, c'est cool. Nice. Pas des jeux qui sont connus beaucoup. Fait que, ben celui-là un petit peu plus, on peut le retrouver, c'est pas mal toutes les compilations que Neo Geo ont fait. Puis ceux qui connaissent pas, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. C'est vraiment, vraiment un bon jeu. Ça, des choses underground de même. Ben, moi je trouve que Neo Geo, on en parle pas assez. C'est tellement bon. Hein. Ben, moi je fais partie de ceux qui aiment le Neo Geo depuis qu'elle est sortie. Mais tu sais, il y a des fans finis qui ne jurent que par ça, qui trouvent que c'est la meilleure bébelle au monde. Je peux pas partir de ceux-là. Moi, je trippe parce que j'ai joué, c'est ça, j'ai joué à l'original, à l'arcade, j'ai trippé. Puis là, aujourd'hui, j'en ai une, puis je joue encore. Fait que ça fait que c'est les jeux que je connais le plus. Je les aime bien, là. Mais on s'entend que, bon, la Neo Geo était reconnue pour ses Fighter 2D, si on veut, avec toute la série des King of Fighters et compagnie. Mais ils ont fait... presque que de ça. Il n'y a pas beaucoup de shmups sur le Neo Geo. Il y a pas beaucoup. Il y a quelques jeux de puzzle. Il y en a quelques-uns des shmups, quelques beat'em'all, mais c'est vraiment reconnu pour ses Fighter 2D. C'est très bon. C'est des très bons jeux. Là, puis je leur enlève absolument rien. C'est juste d'ailleurs, ça, King of Fighters, ça vient de là, je pense, de la Neo Geo. Oui, tout à fait. Okay. J'ai jamais tellement trippé cette série-là. Ben, c'est con, c'est qu'il y en a, je pense, depuis. Je pense le premier c'était en 94, puis il y en a jusqu'en 2004, je crois. King of Fighters, il me semble qu'il y en a un qui est plus récent que ça, King of Fighters, qui est sorti. Ouais, mais je pense que c'est un remake d'un vieux. En tout cas, je suis pas trop sûr de ce que j'avance, mais en tout cas, c'est une série qu'à un moment donné, quand t'en as une dizaine, une vingtaine, ça fait, là, on a compris. Là. Même si c'est les mêmes personnages qui reviennent, qui sont juste un petit peu plus beaux graphiquement, et on a fait le tour. Ouais, non, je comprends ça. Mm. Fait que... ouais, ben dans le fond, c'est ça, on va y aller avec... ma toune à moi, ben c'est ni plus ni moins que Metal Slug 5, donc on a Windy Day, qui est une série que j'adore, Metal Slug, j'adore ça, puis j'adore ça aussi me faire clencher par 6. C'est bon que tu l'aies dit avant que j'en parle, hein, parce que je trouve ça, t'es tellement pourri à Metal Slug que tu devrais même pas avoir le droit de dire le nom du jeu, sérieusement. Oh, come on! Non, mais tu t'es pas fait tuer par moi, parce qu'on s'entend que c'est un jeu qui est en coop, c'est juste que, tu sais, moi, j'avais plus l'envie de jouer parce que j'ai perdu mon partner au début du premier tableau. That's it. C'est vrai. T'es juste. Alors, à ta défense, Dan, les trois premiers Metal Slug à l'arcade originale, c'est le genre de jeu que je finis avec 2,30 sous maximum. Je les connais par cœur, je les ai joués et rejoués et rejoués. Fait que, honnêtement, c'est pas tout à fait juste, cette histoire-là. Non. Tu sais, si tu tomberais sur un jeu que j'ai beaucoup plus joué et que je suis meilleur, il y a des chances que ça aurait été différent. Ouais. Fait que non, mais Metal Slug, une très bonne série. J'ai arrêté dans des jouets, dans des suivres, autrement dit, parce que moi, j'avais connu ça à l'émulateur. Je pense que c'était une erreur. Là. J'ai tombé là-dessus par pur hasard. Puis j'ai vraiment trippé, sauf que, ben, c'est ça. Tu sais, je comprenais pas vraiment le principe dans le temps. Le fait que. Tu sais, c'était bizarre parce qu'il fallait tout le temps que je mette des scènes dedans. Je comprenais pas que c'était le même dans le temps. C'était fait pour l'arcade. Mais c'était dur. Mais si t'arrêterais de mourir, t'aurais pas besoin de mettre des scènes dedans. Il m'énerve. Fait que ouais, c'est ça. Ben vas-y, Dom, moi je vais aller 30 secondes sur mon téléphone pendant deux petites minutes. Je vous laisse et je reviens. Pas bien long. Ben, moi j'ai choisi la toune. Ben en fait, c'est Metaslug aussi, c'est le quatrième. J'ai choisi la toune Furiously. D'ailleurs, moi Metaslug, j'ai pas vraiment joué non plus. Je pense que la seule fois que je joue Metaslug, c'est Mystania. Il me semble qu'il y avait des jeux flash là-dessus qu'il y avait fait. Je sais pas si c'est Newgrounds, je me trompe. Ça, je pourrais pas te dire. Mais c'est facile aujourd'hui si tu veux te mettre à jour dans les Metaslug. De toute façon, c'est des jeux qui ont très très bien vieilli. Ils se vendent des compilations. Il y en a sur PS2, sur Wii, puis toutes les nouvelles consoles, même PS3, tu peux te downloader, je pense, des packs vraiment pas trop chers, qui a tout le lot dessus, sauf le petit dernier, Metaslug 7, qui est disponible, je pense. Ah, il est encore exclusif à la DS, je crois. Ok. Mais c'est ça, ça vaut vraiment la peine, parce que ces petites compilations-là, ça... C'est pas cher, puis pour ses bons vues, c'est des classiques. Des classiques que tu le fais, puis ça te dérange pas un coup que tu l'as fini, t'es prêt à le recommencer, là, parce que c'est tellement des bons jeux, c'est tellement des gros monstres over the top, des grosses bébites, puis qu'il faut, écoute, ça explose ça, de partout. C'est fun. Ouais, moi ça me fait triper raide. Des gros boss là, immenses, j'adore ça aussi. À partir du 3, la série a pris une espèce de drop où que, bon, on a arrêté de tuer des soldats, on a commencé à tuer des monstres, puis des extraterrestres, puis toute la patente, puis ils sont mis à se lancer dans l'over the top, là, puis ça commence vraiment à être drôle. Ils sont tous très très bons. D'ailleurs, il y a un... Hey, j'arrête pas de parler, moi c'est votre show. Mais le 3, c'est mon préféré à cause d'un niveau où que tu te pognes contre des zombies. Quand que les zombies te mordent, tu te transformes toi-même en zombie, puis t'as une attaque spéciale que tu vomis une giclée de sang écœurante. C'est vraiment bon. C'est bien, hein. J'adore Metaslug. Il va falloir que je joue à ça. Moi. Commence par le 3. Je pense que c'est celui qui accroche le plus le monde. Ok, super. Hein, Dan, hey, te revoilà. Oui, je suis de retour. Hein, Colin. Excusez-moi, j'avais un petit contretemps avec mon téléphone. Donc, ouais. Il n'y a pas de problème. De ce que j'ai compris, on parlait encore de Metal Slug, puis c'était bon. Je me demande s'il n'y a pas une compilation, soit sur Steam. C'est justement ça qui parlait. Ah, mais pas sur Wii, là, ou sur. En physique, là. Moi, je les téléchargerais. Ben, il a, comme que je disais, ils sont disponibles sur le PlayStation Store. Probablement sur l'arcade de Xbox aussi. Moi, ouais, sûrement. Mais sur Steam, ça m'étonnerait. Oui, il me conseille le troisième. Comment c'est pas sûr. Ouais, c'est bon. Oh, juste ben, à cause du vomi. Vomir du sang, écoute, tu gagnes des points. Moi, ça, c'est certain. C'est clair. Je suis d'accord. Bon, ben, je pense bien que c'est pas mal ça qui est ça. Ouais. On se fait un recap? Sûrement bien. Ouais! Hey, ben c'est moi qui va commencer ça de bord. C'est du jeu Shock Trooper, la toune s'appelle Undercover. Yep. Yes. Après ça, c'est toi, là. Ok, ouais. on a Metaslug 5, Windy Dave. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je le connais pas, ce jeu-là. J'ai pas parlé beaucoup, là, mais de ça, mais je le connais pas. Oui, c'est Metaslug 4, Furiously. Voilà. Ben allons-y. Bloc numéro 4. Oh yeah, Dom! Les jeux de combat. Les fighting games. Yes. Yeah. Parle-moi de ça, de l'enthousiasme, de même, j'aime ça. Ben, qu'est-ce que ça en prend, nous autres? Mais hein, on aime ça de même. C'est vrai, ça? Oui. Ouais! Hey, fait que, bon, ben, encore une fois, on va faire un désordre désordé. Oui. Dom! Ah oui, bon. Tourne! Oui! Le tourne! Moi, je suis allé avec un grand classique. Je suis allé avec Street Fighter 2, la toune de Ryu, oui. Simplement. Ah oui. Tu te trompes pas avec ça. Je tombe pas, puis je trouve que ça, la toune. Moi, je trouve que c'est la meilleure version de la toune de Ryu. Elle sonne vraiment bien. Mm. Vraiment excellente. Ouais, c'est ça. Une excellente toune. Vraiment une excellente toune. Je me rappelle, j'écoutais une espèce de remake. Un remix. Okay. Une gang de. C'est fucking très underground, ce que je dis là. Une gang de métalleux qui vient de vraiment de loin, chose comme la Transylvanie, là, c'est vraiment fucking loin, qui avait posté ça sur leur MySpace dans le temps, puis qui avait fait un remix de cette tune-là. Elle était tellement bonne, là. Si j'ai l'occasion de vous le montrer, je vais le faire là, mais j'avais vraiment trippé sur leur version. Puis c'était il y avait leur propre petit studio puis tout ça, puis les gars étaient vraiment bons, puis il y en avait dedans, là. C'est là que j'ai découvert cette tune-là, parce que moi, à part dans le temps que je jouais, tu sais, qu'on le louait pour me faire sacrer des volets, parce que j'ai jamais été vraiment très bon dans les jeux de combat, j'avais jamais prêté attention à la musique. Moi, c'est ma préférée, celle-là de Ryu, hein. Elle puis Guile. Ouais, elle puis Guile, évidemment. Mm. Mais ouais. Ryu, attends, vraiment. Ouais, solide. Ouais, je suis sûr, ça, t'as préféré Blanka. Ouais, pas mauvaise aussi. Ben, je les aime toutes, en fait. Mais ma tune fait c'est vraiment celle-là de Ryu. Ouais, vraiment. Puis, petit random fact de même, je sais pas si vous le saviez, mais moi, je le savais pas, j'ai appris ça dernièrement, tu sais, Keiji Inafune, le gars qui a fait, qui a designé Mega Man X, okay. Que je scrape son nom comme d'habitude, ben, je savais pas, c'est lui qui a créé les personnages originaux de la série Street Fighter, je savais pas en tout. Ah ouais? Ouais, c'est lui qui les a créés, cool. Ouais. Qui a fait les personnages, bon, ça, tout ça, puis qui a aidé à construire le jeu. Je le savais pas. Hey, c'est Street Fighter, là, c'est pas rien. Là. C'est gros. Là. Fait que, oui, il y a aussi Capcom aime ça faire plein d'alternatives à leur jeu. Oh, pas du tout. C'est pas parce qu'ils ont sorti 48 versions de Street Fighter 2 que nécessairement ils aiment ça sortir plein de versions. C'est assez terrible. Hein, ça, on en parlait en début de show. Dans le temps que moi j'allais à l'arcade, toutes les fois qu'ils ont rentré dans la place. Puis... « Hey, il y a un nouveau Street Fighter. Ben, c'est lequel? Ben, c'est Street Fighter 2. Ouais, mais on a joué. Non, non, ben, il y a de quoi de nouveau? C'est quoi? Bon, ça doit être un nouveau personnage. Non, on joue. Ben, non, pas de nouveau de personnage. Ben, ça doit être un nouveau tableau. Oh non, c'est il y a un turbo maintenant. Ils vont plus vite, là. T'es... Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Pas. Ça me dérange pas. C'est pas moi qui payais la machine dans le temps, mais tu sais. Ben, t'as un jeu qui sort, puis dans 6 mois après, t'as le même jeu qui ressort. Tu payes le même prix avec 6 bonhommes de plus. Ah, ça fait ça. Ben, c'est que Capcom, ils ont tellement eu. Là, c'est moins pire, du moins, j'en vois moins passer, mais je veux dire, à l'époque, dans le temps de Street Fighter X, Tekken, même Marvel's Capcom 3, c'était une vraie joke. Le jeu sortait à 59,99. 6 mois plus tard, il sort l'édition Ultimate à 40$ avec tout ce que le monde voulait dedans. Voyons. Hey, allumé, Stiffy. Vous n'avez pas fait des tests, réfléchissez avant de sortir un jeu de bâton. Non, non, mais non, arrête, c'est voulu, c'est clairement voulu. Ah oui. C'est du marketing cheap. C'est ça, mais tu sais, à un moment donné, regarde, arrêtez de nous prendre des appels. Tu sais, veux dire, plus cave que ça, c'était Square Enix qui sortait son espèce de jeu de Final Fantasy sur iOS bourré de microtransactions, mais tu sais, come on, là, tu sais, on dirait que ça criait, on veut de l'argent, donnez-moi. Tu sais, il aurait fait une application, parce que quand tu cliquais, tu donnais des 5$, là, ça aurait revenu aux mains. C'est comme, hein, voyons, n'importe quel crétin est capable de prendre les sprites de Final 7, puis Final 6, puis Final 5, puis faire un jeu de merde comme ils ont fait, là. Hey, prends pas une équipe de 2 ans, puis du monde d'expérience. Ça me fait chier quand ils me font ça. Ben? Bon, je pense qu'on s'est éloigné un peu. Ouais, on s'est éloigné. Oui. Je vais arrêter de parler de Square Enix parce qu'à tous les fois, là, la marde me bouille dans le cul. Fait que, hey, je vais y aller avec mon jeu qui se trouve avec ma toune, c'est-à-dire Killer Instinct, le premier. Hein, on garde on aime ça, les classiques. avec la thème, la chanson thème de Yago. Jago. Ben, Jago, mais en même temps, le J se prononce Y en anglais, mais je sais pas si c'est ça. Fait qu'on. Jago, ça semble comme un genre dérivé de yogourt, pis c'est pas super. Ou le perroquet dans la dent, c'est ton choix. Fait que, non, mais toujours est-il que Killer Instinct, c'est un très bon jeu à l'arcade, on s'entend, c'était capotant, maudit, là. Mm. Tu sais, quand t'as regardé une bande d'arcade, pis c'était marqué Midway, pis rare dessus, c'était assez, pis ça m'a fait pisser dans mes culottes, là. Sérieusement, là. Mais je suis pas l'expert là-dedans. Moi, j'ai plus joué au deuxième, qui a, au 64, qui a renommé Killer Instinct Go, là, mais ouais. Le deuxième à l'arcade, j'avais. J'ai joué un peu. Puis non, c'est vraiment pas pareil à la version 64 ou non. non, c'est clair. Là. Ben moi, curieusement, là, vois-tu, tu parles de Gold, puis c'est. J'ai joué au Killer Instinct le premier sur arcade. D'ailleurs, Spinal for the Win tout le temps. Mais non, le reste, j'ai beaucoup plus joué au Gold sur le 64, qui était très bon d'ailleurs. Oui. Oui, c'est vraiment bon. Ben, même aujourd'hui. Je l'aime comme personnage, je l'adore, mais j'ai la misère à le jouer. Ouais, ben moi, j'étais du genre à me pogner le personnage parce qu'il était let. T'sais, Spinal, il était let. En Mortal Kombat 2, je jouais Baraka, mais c'est pas nécessairement les personnages qui allaient mieux. Mais il était let, donc je les aimais. Baraka, c'est mon personnage. Ah, je l'adore, Baraka. J'adore Baraka. Dans le dernier Mortal Kombat, Baraka, il est vraiment hot. Ben moi, j'ai joué beaucoup à Deception, qui était une grosse déception au PS2. Mais le pire, c'est que ça, c'était... on parlait tantôt avec un autre chum qui lui disait que Friday the 13th c'était son jeu fétiche, puis tu sais c'est pas nécessairement bon mais on aimait ça pareil. Ben moi mes souvenirs du secondaire, tu sais secondaire c'est de style marde, hein, on se le cachera pas. Et moi quand j'arrivais à la maison, je faisais rien que jouer à ça, même si c'était pas bon. Puis tu sais t'avais l'espèce de story mode avec avec un nom japonais que là ça me tente pas de me souvenir. Puis c'est ça. Mais attends, un peu déception, c'est pas celui qui avait amené les armes pour la première fois. Oui. Je l'ai adoré, celui-là, avec les combos de fou, il était bon. Parce que t'avais trois modes, tu pouvais enchaîner tes combos justement avec ces modes-là, puis à la fin, t'avais les armes de chaque personnage. Tu sais, comme Baraka, lui, cling, il sortait ses lames de ses bras. Moi, ça me faisait triper, puis j'étais rendu que je connaissais quasiment ses combos par cœur. Je jouais avec un de mes chums, puis je faisais pratiquement tout le temps les mêmes combos, parce que c'était ce que je savais, mais... Ah. Oh, et quand tu le plantais comme faux, ton combo, il y en avait tout le temps un ultime que tu pouvais quasiment tuer le bonhomme one-shot si tu le plantais comme du monde. Là. C'était très bon. Moi, je l'avais aimé, Deception. Puis, tu sais, l'histoire était bonne. La petite cinématique du début, elle m'a fait triper. Le petit jeu cheapette là, de puzzle aussi, tu sais, c'était un beau petit à côté. Là, moi, j'avais bien aimé ça. Quelle console, Deception, de jeu? PS2 que j'avais joué. Mais il l'avait sur Xbox 1 aussi, mais moi, je l'avais joué sur PS2. OK. Puis j'avais bien aimé ça, fait que Deception, c'était mon jeu de déceptionniste. Moi le Mortal Kombat qui m'avait vraiment déçu, c'était Mortal Kombat Gold. Connais pas Mortal Kombat. Hein, c'est quand ils ont essayé d'amener la 3 dimension dans Mortal Kombat, tout ce que les bonhommes avaient l'air des personnages de Virtua Fighter, c'était horrible. Au centre des 4, j'avais loué Mortal Kombat, je pense que c'est Sub-Zero. Ouais. Il semble qu'il était pas pire. Ah non, il était pourri. C'était dur, en estime. Moi, j'avais pas aimé ça. De un, c'était incompréhensible. T'avais une histoire à dormir debout avec des acteurs poches, là, t'sais, c'était des vrais acteurs, là. Ils avaient filmé ça, c'était pas pire, mais ouf, aujourd'hui, ça m'a vieilli. Puis, t'sais, c'était comme Mortal Kombat, mais là, t'avançais, puis tu vargeais du monde, mais c'était ça marchait pas, là. Ils ont voulu faire de quoi avec l'histoire de Sub-Zero, puisqu'il était populaire, ou je le sais pas, mais. Non, ça a pas marché, mais pas pantoute. Hey man, tu viens de me faire penser à quelque chose, je vais faire une autre petite parenthèse bien vite. Le pire de toute la série Street Fighter, je sais pas si vous avez vu le jeu ou ce qu'ils ont pris les personnages du film, je me rappelle pas comment il s'appelle. Oh oui, j'ai vu ça sur le net, mon gars. J'ai joué à ça à l'arcade justement, où c'était un Street Fighter, mais avec Jean-Claude Van Damme et tout ça. Oh my god, c'est drôle, ouais, ce qui est drôle, c'est Jean-Claude Van Damme était supposé être, pour la première fois dans le premier Mortal Kombat, et Boom l'avait approché. Mais il y avait quelque chose. Finalement, ils ont pris un autre acteur. Puis, il était-tu dans Street Fighter, l'original? Je pense que non. Je sais plus. Ben oui, Jean-Claude Van Damme, il jouait Guile. Ouais, mais dans... OK, ouais, c'est ça, mais dans le film, là. Oui. OK, c'est ça, non, parce qu'eux autres, ils ont jamais pris des vrais acteurs, c'est vrai. En tout cas, mais non, j'étais assez impressionné de la scrap. T'as-tu déjà vu ça, toi? Pas tout, puis tu m'aiderais, il faut que je check ça. Ben, c'est vraiment de loin le pire de tout. Et il est pire que Street Fighter 1. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment pas beau. Ouais, c'est clair. Là, j'ai jamais joué beaucoup à Street Fighter 1, mais j'imagine que ça doit pas être super. Non, vraiment pas. Mmh. Ouais. Là, fait que, écoute, hein, c'est pas mal ça qui est ça. Ben, toi, 6. Ben, encore une fois, pour faire changement, j'ai encore pris un jeu que personne connaît, carrément sorti on aime ça. De la poussière. Encore une fois, un jeu Neo Geo. Le jeu s'appelle Kizuna Encounter. C'est Kizuna Encounter Super Tag Battle, je m'excuse. C'est un autre jeu de combat assez assez imprégné des années 90, dans le sens où les personnages, ceux qui sont familiers avec les comic books, les personnages ont tout l'air d'avoir été dessinés par Rob Liefeld, là, c'est-à-dire des muscles par-dessus d'autres muscles qui ont des muscles. C'est vraiment fou. Mais ouais, mais le jeu est quand même très bon. Tu sais, c'est le système de combo est instauré. Puis ce qui est fun, c'est qu'il y a deux carrés dans la planche de jeu, si on veut. Ou quand on est à l'intérieur de ce carré-là, on pèse sur un piton et on fait un tag avec notre deuxième personnage parce qu'on a deux personnages pour faire les combats. Donc ça rajoute une petite stratégie qui est quand même le fun. Puis il y a des espèces de... Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait des moves qu'on pouvait faire avec nos deux personnages. Puis tu sais, ça a fait un foutu bon jeu qui, ben moi, j'aime bien, que je joue encore aujourd'hui, mais qui est vraiment passé sous le radar. Là. Personne ne connaît ça, mais c'est de valeur. La toune s'appelle Risuiro. Risuiro. Je sais même pas si c'est le nom d'un personnage ou d'un tableau. Là. Il y a sûrement un de vos deux qui peut me répondre là-dessus. Excusez, je me parle de ça. Karrigan, tu sais, parlant d'un personnage de jeu vidéo qui est le plus cosplayé ever, là, si je fais juste penser à Jessica Nigri vite de même, elle était dans quel jeu? Karrigan. C'était pas Darkstalker, mais elle a fait la même. Ah oui, Darkstalker, ben oui, c'est un jeu que. J'ai ça direct de suite sur Sega CD. Très très très bon jeu de combat, parce que c'est tout des... Mais Darkstalker, ça se trouve être le deuxième d'une série que je me rappelle pas du titre, où ce que c'est tout des monstres, là. T'as un vampire, un Frankenstein, une momie, puis il y a Kerrigan là-dedans, il y a sa sœur aussi qui est pratiquement identique. Très très très bon jeu, vraiment frénétique, c'est de la grosse action, des combats vraiment cool. Là. Ouais, ben c'est ça me faisait penser un peu le style artistique du jeu que tu nous as parlé, me faisait penser un peu à Darkstalker, puis c'est pas un jeu qui m'est connu vraiment beaucoup, Darkstalker. Je sais que Bruno Georget tripait bien, justement, sur Karrigan, entre autres, mais bien là-dessus aussi, avait fait une critique de ça, mais moi, pas plus que ça, c'est de quoi qui m'avait... J'étais plus mortel, moi, dans le temps. Je te dirais que dans les jeux de combat 2D, c'est un... Darkstalker, c'est la... Ben, ça, et la série que je me rappelle pas du nom, c'est de ceux qui ont le mieux vieilli, qu'encore aujourd'hui, tu peux jouer, puis c'est aussi rapide, puis aussi... Tu sais, c'est franc comme jeu, là. C'est ouais, technique, puis c'est très bon. C'est un truc, c'est ça, qui a vraiment bien vieilli. Ben oui. Bon, fait que... Toi, Dom, t'as-tu quelque chose à dire? Pas vraiment, disons. C'est vrai, ça? C'est parfait. Bon, ben, écoute, on se fait un recap, mon Dom? Yes. Ta toune? Moi, j'ai la toune... Ben, la toune de Ryu dans Street Fighter 2 Arcade. Yup. Oui, écoute, j'ai Killer Instinct avec Jago's Team. Et puis, moi, c'est du jeu Kizuna Encounter, la tonne Ruisuiro. C'est bon, hein? Bonne écoute! Ouais. Bon, la conclusion, très chers amis. Oui, la conclusion, effectivement. Hey, non, sans farce, on niaisait bien gros, mais merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On espère que vous avez eu autant de fun que nous à le faire. Vu que nous autres, on fait rien. Nous autres, on fait rien. C'est tout ce qui fait le dit. Il est donc genre, ce qui est cela. Il est correct avec moi, je le sais pourquoi. Ouais, arrêtez pas d'être gentil, parce que moi, c'est ça, j'ai comme le votre show entre les mains. Fait que... Ouais, c'est ça qui est drôle. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, nous autres, on peut toujours retourner dans les studios. On n'est pas dans la marde. Oui, on sera un petit peu dans la marde, mais vu que t'es gentil, tu le feras pas. Et voilà. Fait que, non, sérieusement, merci d'avoir été là. T'es vraiment quelqu'un qui... C'était notre premier invité. Hein? Wow. Tu l'as cherché longtemps. Hein? Ben, tu sais, des fois, il faut chercher des bons mots pour dire des bonnes choses. Puis, c'est pas nécessairement... Tu comprends ce que je veux dire, hein? Oh, tout à fait. Fait que, non, sérieux, merci d'avoir été là. Hey, ça fait plaisir. Avec un sujet comme les arcades, je veux dire, on a pogné vraiment un bon gars. Là. Tu connais ça. Mm. C'était intéressant. T'avais des plein de choses à dire qui étaient le fun. Puis, nous autres, ben, on n'était pas si expérimentés que ça. Ouais, fait que c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un qui il nous en a appris, écoute. On laisse pas les gens, sans avoir la prétention de dire que je connais ça, c'est que j'aime ça, c'est que je suis passionné par ça. Puis c'est vraiment mon. Dans tout l'univers des jeux vidéo, oui, je suis un gamer, mais mon monde, c'est les arcades. C'est là-dedans que j'ai grandi, puis c'est là-dedans que je veux pas vieillir. D'où la raison, probablement, que j'en fais encore aujourd'hui. Bon, ben, c'est ça. Voilà. Puis, arrête pas. Tu sais, c'est. Si justement le monde comme toi continue à aimer ça, ben, tu sais, la culture des arcades va continuer à vivre encore peut-être pour de bonnes générations. Ouais, on souhaite tout ça. Ouais, faut que ça continue, là, faut pas que ça s'arrête. Mm. Espérons-le, effectivement. Sur ça, très chers auditeurs, merci beaucoup. Un mot de la fin, mon cher Dom? Ben, merci d'avoir été là, comme d'habitude. Oui. Puis, où est-ce qu'on peut te rejoindre, mon petit? Ouais. Ben, moi, c'est pas trop compliqué. On peut me rejoindre soit sur Twitter, Facebook à l'Horreur Gamer, sur le tout nouveau site de l'Horreur Gamer à www.horreur-gamer.com. Et là-dessus, il y a tout plein de belles petites nouvelles d'horreur, des vidéos, de la musique et l'excellent podcast de l'Horreur Gamer Show où on fait pas grand-chose à part... on écoute des films, on jase, puis on a beaucoup de plaisir. Non, honnêtement, j'en manque pas un. Le podcast d'Horreur Gamer, c'est vraiment excellent. Si vous êtes, même moi qui est pas tant fan, sérieusement, de films d'horreur, là, je veux dire, j'en écoute jamais, mais je trouve vraiment vous écouter parce que, tu sais, moi, je commence à vous aimer ça, ça paraît. Je suis en train d'une couple que je watch, là, qui. La plupart du monde nous dit ça, hein. Oh, on n'est pas grand, ben fan d'horreur, mais on vous écoute. Y a-tu du monde qui nous écoute, qui aime les films d'horreur, quelque part? Allô, dites-le? Ben, m'en allait dire Horror Web, mais comme c'est un peu tabou de les dire... Non, pas du tout. Les gars d'Horror Web, c'est des très bons amis. Oh oui. Non, j'adore l'horreur, mais je n'ai pas autant écouté que vous autres. Ouais, c'est ça. Fait que... hey, mais il y a aussi une autre chose qu'il faudrait qu'on annonce à notre acheteur. Bien sûr! Ça. Dominique! Moi, hey, ben oui. Ah, OK. Et c'est ça, hey, dans le fond, nous autres, on quitte fun jouer jeu. Puis, on s'en va où, mon Dom? Ah! Ben, on s'en va sur l'Horreur Gamer. Ben oui. Là, pour l'instant, on n'a pas de site qui est enregistré, mais ça va s'en venir très bientôt. Donc, autrement dit, on va avoir notre propre feed YouTube, pas YouTube, notre propre feed iTunes. Celui-là, le podcast que vous écoutez là va être sur Fun Jouer Jeu, mais le prochain risque d'être fort probablement sur avec 6. Et écoute, Cis, t'as-tu une annonce à nous faire là, tu sais, avant qu'on se quitte là? Y a-tu quelque chose qu'on pourrait peut-être un retour de quelque chose que tu faisais là que nos auditeurs aimaient beaucoup puis ça fait longtemps que t'as pas fait là. J'ai des jokes en tête, mais je vais garder pour moi. Ouais, ben c'est ça. Je me demandais dire, on peut-tu aller jusque là? Mais non. Oui, ben en réalité, c'est qu'avec l'arrivée de votre nouveau site internet, qui va être, c'est ça, de pas dire que ça va être sur l'Horreur Gamer, parce qu'en réalité, j'ai pas grand-chose à voir là. Dessus, c'est juste que je vais un peu monter votre site si on veut. C'est qu'avec l'arrivée du nouveau site de Geekorama, ben elle annonce aussi le retour de Zik Numérique. Oh yes! Oui, ben c'est que j'ai jamais arrêté d'en faire. J'ai beaucoup d'épisodes qui sont prêts, qui sont montés. C'est juste que pendant un bout, on savait pas justement ce qu'on s'en allait avec ça, avec l'histoire de site. Puis tu sais, les fausses rumeurs de chicane que j'ai fait à croire que je m'étais fait crisser dehors de fun jouer jeu, il est pas fiable. C'est tout des jokes, hein, encore. J'ai des auditeurs qui m'ont écrit pas plus tard que la semaine passée, puis ils disent, ouais, mais là, écoute, pas en chicane, tu sais, c'est des bons gars, puis non, il y a jamais eu de chicane. Tu sais, non, vraiment pas. Ah non, vraiment fait pas. Que c'est... beaucoup, mais c'est de l'amour. Non, c'est... En réalité, c'est juste qu'avec Fun Jouer Jeu, il y a eu une restructuration, puis en même temps, ben, tu sais, pour vous autres, vous avez tout à gagner, non seulement pour tes projets futurs, mais tu sais, le site est tellement rendu beau, le site est tellement rendu rempli, que je veux dire, c'était juste une bonne chose finalement. Là. Fait que, on fait comme... ça. Il va arriver la même chose en réalité avec Geekorama, c'est qu'on va repartir comme à, un peu à zéro, si on veut, d'un site, de son propre .com, son propre feed iTunes et toute la patente. Tout s'en suivra, puis ben, c'est ça, Zik Numérique va se rejoindre à la patente. J'ai très hâte. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui viennent de joindre à nous, bon, il n'y a pas longtemps que vous écoutez le show. Zik Numérique, dans le fond, c'est un show qui est, dans le fond, qui est animé par Pierre et qui il le produit et le fait. Animé, il faut le dire vite, parce que je sais, parce que j'ai déjà plusieurs shows de déjà préenregistrés. Pas vraiment animé parce que je parle de moins en moins, parce que je m'énerve quand je m'entends. Donc, je mets plus de musique puis moins de blabla. C'est ça, c'est un show qui est consacré sur le chiptune. Chiptune, yes. Sur le chiptune. On aime ça. On aime ça en maudit. J'ai très hâte d'entendre ça. Merci encore, Sis. Merci infiniment de ta présence dans le show. Toujours un plaisir. T'en reviens quand tu veux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites demain? qu'est-ce que je fais demain? Ça peut pas se dire en nom. OK. On passe un autre appel. sans faire, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se revoit dans le prochain épisode. Yes. Ciao.